step c'est trop stain. Mais qui dit que c'est chim? Papa, j'ai visé les chemises. On pisse sur les râles, comico nous la secoue. On tire sur les chartes, l'assassin nous passe le tout. Lui, c'est les bails bâtards, je veux la maille, ça tarte. Piste les mises, des actrices et des banatas. On fera des clips, on sortira les berlines. Mille les euros, il est question de livres sterling. Ça vient de l'arrière du bus. Les ondes maléfiques, les chétanas sont magnifiques. Dis de crève la fin, je lève la main, je fais la pince pour les catins. Embrasse ce que t'aimes tous les matins. Le son qui déboîte ça, décoiffe. C'est débaissé ici, j'adifie. Y'a pénal, tu serpilles l'arbitre, un contrat sur sa tempe. Tu fais le fou sur le terrain, je te nique ta mère à la mi-temps. A des mots pour les bâtards. N-O-N-O-S pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la rêve. Tu nous caresseras pas la queue. A des mots pour les bâtards. N-O-N-O-S pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la reine. Tu nous caresseras pas la queue. Tous paranoïaques, nos projets mènent à la Iowa. Rap des caves, ça dégage, ça démarre. C'est les bails royales. On fait ça sort des tours et sort des tours. C'est sauter tout. J'porte mes couilles, y'a pas de gain, rythme, nigga, clac, là. 9 à pégale, 9 va papal, 9 à papal. Un son pour la misère, celle qui se jette sous les rails. Pour les semeurs, juste à tête pour les rats. 9-1-9-4, Vegeta Broly, c'est catacolite. Rap paranormal, il nous envoie Mulder et Scully. Le parisien, sale petit chien. J'enchante les pétasses comme Merlin le magicien. On tente le tout pour le tout, comme un pit qui attaque. J'ai le pétrole et les sous, faut que je plie le Qatar. J'arrive bâtard. J'anime la salle. A des mots pour les bâtards. N-O-N-O-S pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la reine. Tu nous caresseras pas la queue. A des mots pour les bâtards. N-O-N-O-S pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la reine. Tu nous caresseras pas la queue. Fallait que je vienne buter ce putain de pute. Fallait que je scène putain. Allez mec, ce snow pute, on démarre même si y'a plus de frein. Tu voulais quoi m'écraser? Tu voulais quoi m'étaler? Tu voulais quoi dégager? Gager doigt en l'air pour vous épater. Pour tout écraser, éclater, j'irai écraser les grosses salopes. C'est tout nouveau, tout beau, c'est tout nouveau, tout palais. C'est tout le boulot du flow qui te pousse du bord d'une falaise. Où y'a pas ta RNB à leur fait. Nique le rap de pédale, vas-y fais. Connard MC, toi t'es trop pâte, t'es trop rapide. Mais nique ta race, on se t'a kiffé, t'auras l'exploratrice. J'ai trop trié, à peine nous d'Ari et Nabil. A des mots, NOS, Paris, sous ma bite. C'est le 9-1-9-4, y'a plus qu'à terre. On vient se torcher avec ton rap, vu qu'il nous reste au cul la merde. A des mots pour les bâtards. NOS pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la reine. Tu nous caresseras pas la queue. A des mots pour les bâtards. N-O-N-O-S pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la reine. Tu nous caresseras pas la queue. A des mots pour les bâtards. N-O-N-O-S pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la reine. Tu nous caresseras pas la queue. A des mots pour les bâtards. N-O-N-O-S pour les chimas. Les loups sont lâchés dans la reine. Caressera pas la queue. N-O-N-O-N-O-S. A des mots ma mère. Si on fait les choses bien. Je peux tuer contre nique ta mère. Sur le son, qui veut nous test? Le rap du futur. Le rap que personne n'a. Les nouveaux personnages. En mode guerre connard. Y'a rien à dire. Y'a rien à faire. 2-0-0-8. Bien. Je peux tuer contre nique ta mère. Sur le son, qui veut nous test? Le rap du futur. Le rap que personne n'a. Les nouveaux personnages. En mode guerre connard, y'a rien à dire, y'a rien à faire. 2-0-0-8.